Voici votre bulletin régional. À 8h30 le 24 février, à la salle des chevaliers de colons distingués, l'Entourlaine tiendra son déjeuner brunch mensuel. En collaboration avec la Sûreté du Québec, la ville de Cook-Sheridan vous invite à une rencontre d'information sur le programme Bon voisin, bon œil, le 25 février à 19h30 au centre communautaire de Bulwer, 254 chemin Jordan Hill. À Istingus, le 26 février, à 13h, jeu interclub du Club Amitié à l'église Saint-Louis-de-France.